jour le vent tournera. Non, ne t'en fais pas, la vie change. Un jour tout s'arrangera. Tu marches solitaire au cœur des grandes villes, comme un oiseau perdu qui cherche un coin de ciel. Le soleil des vitrines ne chauffe que tes rêves. Dans ton cœur, le chagrin fait tourner ses manèges. Non, ne t'en fais pas, la vie change. Chance, tu es tout seul au monde, oublié de l'amour. Alors là dans ta chambre, tu t'inventes des frères, de merveilleux Noël, tous les jeux de la terre. Non, ne t'en fais pas, la vie change.